bouquet de fleurs que nous offre la vie. Le cœur choisit souvent la seule rose qui porte une épine. Cette fille, la femme de ma vie, la carabine sur le tympan de ma solitude, sur ma montagne de problèmes, la corde qui me tient quand je perds l'altitude. La rare vipère qui ne m'a pas mis une pomme dans la gorge, malgré la première année où je l'aurais bien foutu un flingue dans la gorge. Mes 6 ans sont passés et je vois mes erreurs. Je me dis que le bébé de la patience et des problèmes, c'est souvent le bonheur. Mais Saïd, elle est promise, oublie vite la mairie. Tu vois pas mieux qu'Ingal se marie, c'est pas d'elle que tu seras le mari. Comment? Elle est comorienne comme moi, musulmane comme moi. À cause de vos coutumes, c'est son moral qui est dans le coma. L'anorexie nourrit sa santé, que boulimique de pression. Plantée dans une moisson sèche, Fanny d'attendre la poisson qui pourrait apaiser sa soif d'union, sa soif de réunion. Tout ça pour que nos parents changent d'opinion. C'est que la vie c'est la mort, donc la mort faut la vivre. On me dit que tout est écrit, mais je crois que j'ai lu le quart du livre. Mon cœur est gratte ciel, et toi t'as pris l'échelle. Une fois monté, tu l'as fait tomber pour pas qu'on te suive. L'amour nous accueillit dans le jardin de nos parents. Pas mûr pour faire une bonne salade, mais lui il se porte des carins. Gâté, je t'avoue, je suis de ceux qui criaient tout haut. J'irai chercher ma reine de loin, chez les Esquimaux. Eh ouais, chez les étalons, c'est là où elles veulent aller. Quand du haut de leur talent, elles se retrouvent étalées. Elles se mettent à chialer, ensuite deviennent jalouses, mais laisse-les parler. Il faut que je fasse mes flous et qu'on se tire dans notre chalet. Donne-moi l'amour que ma mère a pour moi et moi pour ma fille. Et que je travaille à la chaîne, se transmette de famille en famille. Avant que tu partes, avant que je parte, avant que tout éclate, faut pas qu'on se rate. Je vais être présent même absent. Qu'on vienne remixer mon son. Duo virtuel avec Jackson et ses francs. Nourrisse mon enfant pendant 100 ans. Garçon, plus de baston pour un veston. Un jeune père qui a vu à peine la vie. Un jeune frère parmi tous ces bandits. Mais bref, faut que je t'éduque fier. Que je serve d'appoint. Que les pièges de la vie se referment sur moi. Pour que ton chemin à toi soit droit. Sans piège, sans croix. Plus tard, n'écoute pas les copines qui te diront. L'école ça sert à rien. C'est mon mari qui me ramènera le pognon. Même en couple, reste indépendante. Dis-toi que l'école ça sert. Quand je pense que je pourrais pas t'aider. En langue vivante, ta mère et moi, faut que ça dure un maximum. Pas comme ton grand-père, parti après avoir eu un max de membres. J'ai été privé d'une aile au décollage. T'auras les deux et prendras l'avion d'avis avec docteur, plein de bagages. Ça fait 4 heures que j'attends ma copine dans cette salle d'attente. 4 heures que ma tête se prend pour le pic de dente. On se contente de me dire de patienter et de garder mon sang-froid. Facile à dire, là je suis perdu comme l'abbé Pierre 100 fois. J'en peux plus. Ces journées à l'hosto m'ont rendu moins costaud. Vu toutes ces larmes, on pourrait m'appeler Gusto depuis plus. De 5 mois elle m'écrit, sans moi elle s'écrit, s'écrit. Tu as des parents écrits et moi, je passe mon temps à demander au bonheur, greffer un peu de son temps à notre avenir, de greffer des bras à mon cœur pour bercer un enfant à venir et que les mains de ma sueur lui offrent ce que j'aurais aimé avoir dans mes souvenirs. C'est ça, c'est ce qu'on va faire, un gosse. Nos parents ne pourront rien y faire, cette brosse pourra coiffer cette chauve. Idée du mariage qu'ils ont, un gosse, ça le rendra heureuse. Au moins on oubliera notre séparation précoce. A tes labés, dis-moi, qu'est-ce que t'as dit le docteur? L'anorexie c'est fini? Dis-moi, en tout cas c'est fini cette pression. J'ai trouvé, on va faire un gosse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas avoir d'enfant. Non.